إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Les captifs Khoubaib et Zayd ont été vendus aux Quraysh, lesquels, saisissant encore avec joie toute occasion de venger leur mort de Badr. Khoubaib fut acheté par un confédéré des Bani Nawfal. Khoubaib, c'est lui qui tua Al-Harith ibn Amir ibn Nawfal le jour de Badr. Donc c'est la famille de Al-Harith qui s'est occupée de lui. Là, une des filles de Bani Harith, elle raconta, il a dit, je n'ai jamais vu de prisonnier meilleur que Khoubaib, qui a un comportement, un caractère pareil que celui de Khoubaib. Et il a dit aussi, il a dit, je l'ai trouvé un jour en train de manger une grappe de raisin, alors qu'il est enchaîné, et alors qu'il n'y avait pas de raisin à la Mecque. Il n'y avait pas de fruits à la Mecque, lui est en train de manger cette grappe de raisin. C'est sans aucun doute une subsistance apportée par Allah subhanahu wa ta'ala à son serviteur. Et il l'avait mis même fois avec son propre enfant, l'enfant des filles de Bani Harith, d'Al-Harith. Il avait son enfant sur le genou de Khoubaib. Et Khoubaib, il tenait un couteau à sa main. Et Khoubaib, il sait qu'il va être tué. Et là, il a eu peur. Et puis Khoubaib lui dit, tu crois que je vais le tuer? Il a dit, je ne suis pas un traître. Ça, c'est le comportement comportement de Khoubaib, radiyallahu anhu. Alors, dès que la nouvelle lune de Safar, quand les mois sacrés sont terminés, Khoubaib, il fut emmené jusqu'à Tan'im, c'est-à-dire en dehors du haram. Tan'im, taniyat al-Tan'im. En dehors de l'haram, pour être exécuté. En dehors du territoire sacré. Et là, il leur dit, laissez-moi accomplir deux rak'at. Ils le laissèrent. Il accomplit ces deux rak'at et dit, par Allah, si je ne craignais pas que vous pensiez que je le fais par peur de mourir, j'aurais prié davantage. Et si vous allez croire que je fais ça, ces deux rak'at, je les fais juste parce que il a dit, par crainte de la mort, pour retarder ma mort, j'aurais prié davantage. Et c'est lui, finalement, qui a instauré la sunna, quand un musulman, aucun mujahid ou un prisonnier musulman, il va être exécuté, de faire les deux rak'at. C'est une sunna qui a été confirmée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis là, quand ils le ligotèrent contre un poteau, et il a dit, oh Allah, compte-les, puis tue-les les uns après les autres, et n'en laisse aucun vivant. Et il composa alors les deux vers qui sont très connus, فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكَ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِي. Peu m'importe quand je suis tué, soumis. Il dit ces vers de poème. Peu m'importe quand je suis tué, soumis. Sur quel côté je tombe au service d'Allah, et ce par amour d'Allah qui, s'il veut, bénira les morceaux de ce corps déchiqueté. C'est ainsi que Khoubaib, comme j'ai dit, fut le premier à instaurer cette sunna. Le hadith, il se trouve dans le Bukhari, dans Sahih al-Bukhari. Dans une autre version, selon la version de Abu al-Aswad, selon Urwa, ils lui ont dit, avant de le tuer, ils lui ont dit, ne souhaiterais-tu pas que Mohammed soit à ta place et que toi, tu te trouves dans ta maison. Et tu ne souhaites pas, au lieu d'être là, ligoté, et bientôt tu vas être exécuté, tu ne souhaites pas être chez toi calmement et tout, alors que Mohammed est à ta place, il te remplace. Il a dit, je ne voudrais pas me trouver dans ma maison si pour cela Mohammed devait être piqué par une seule épine. Il a dit, si on me donne le choix que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit piqué par une épine et que moi je ne sois pas dans cet endroit-là, je préfère être dans cet endroit-là alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit pas touché par une seule épine. Vous avez compris? Donc, jusqu'à quel point il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à quel point il veut que l'envoyé d'Allah soit protégé. Qu'il ne soit même pas touché par une épine. Il veut que lui, il prend toute la douleur sur son dos. Radiallahu anhu, Khubayb. Puis ils le tuèrent. C'était Abu Sarwa'a qui le tuait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il informa ses compagnons de leur mésaventure quand ils furent rattrapés par l'ennemi, par la tribu de Hudayl. Et quand les gens de Quraysh apprirent qu'Asim ibn Thabit a été tué, on a parlé de Asim ibn Thabit dans la bataille de Uhud, dans la guerre des étendards. C'est lui qui a tué les deux fils de Abu Talha, les fils de Sulafa. Quand Sulafa il a perdu ses propres fils, quand il a vu de ses propres yeux Asim ibn Thabit tuer ses propres fils, il a fait un vœu, il a dit, celui qui me ramène le crâne, la tête de Asim ibn Thabit, je lui couvrirai sa tête d'or, c'est-à-dire je le comblerai d'or et de perles, je lui donnerai beaucoup de récompenses et je boirai le vin dans le crâne de Asim ibn Thabit. Là, quand ils ont su, ils étaient au courant que Asim ibn Thabit a été tué par Hudayl, tous les Qurayshides, ils voulaient la récompense. Tous les Qurayshides, ils quittèrent la Mecque et courèrent vers la région de Ma'ar-Raji', le point d'eau de Raji', cherchant Asim ibn Thabit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a couvert le corps de Asim ibn Thabit par une nuée d'abeilles. Ils ont voulu s'approcher de lui, mais n'ont pas réussi. Dès qu'ils s'approchent de lui, ils sont piqués par des abeilles. Ils n'ont pas réussi à prendre sa tête. Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégé parce que lui, il a dit une chose. Il a dit, Allah, protège mon corps, je protège ta religion, protège mon corps. Et Allah subhanahu wa ta'ala, hafida, il l'a protégé. Omar radiallahu anhu, quand il reçut l'information, on lui fait le récit de ce qui s'est passé, il a dit, subhanallah, Allah, il protège son serviteur, mort, ici-bas et dans l'au-delà. Ajib, radiallahu anhu. Et le hadith, ce même hadith-là, il se trouve dans le Bukhari. Là, comme j'ai dit, parlons de la rançon, revenons à la rançon que doit ramasser le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la donner aux proches parents des deux hommes de Bani Amr, de la tribu de Bani Amr qui ont été tués par Amr ibn Umayyad Domri. Et conformément au pacte, à la charte qui était entre les musulmans et les juifs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut que les juifs de Bani Nadir fassent partie, contribuent à la rançon, conformément au pacte, qu'ils doivent mutuellement payer la rançon, le prix du sang de l'un des leurs. Ou si l'un des leurs a tué une personne d'une autre tribu, ils doivent s'engager mutuellement à payer la rançon. Il a voulu faire participer les juifs de Bani Nadir. On connaît l'histoire de Bani Qaynuqa, ils ont été expulsés. La tête des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, c'est lui qui a intercédé en leur faveur. Et là, Bani Nadir, ils ont dit d'accord. Ils ont dit au prophète sallam, on est d'accord, on paye. Surtout que les Bani Nadir sont des confédérés de la tribu de Bani Amr. C'est-à-dire, on paye avec toi la rançon. Il n'y a pas de problème. Et le prophète sallam, quand il est là chez eux, dans leur clan, dans la région où ils habitent, il est allé en compagnie de Abu Bakr, de Omar et de Ali radiallahu anhu. Ils se rendent chez eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est assis au mur de l'une de leurs maisons. Ils l'accueillirent, ils invitèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Et ils ont dit, attendez-nous, on va ramasser l'argent et on va te le donner. On va ramasser l'argent de la rançon. Et là, quand ils se sont retirés, ils complotaient entre eux. Ils ont dit, regardez-le, il est assis au mur d'une maison. Qui parmi nous peut monter le toit de cette maison et jeter une pierre sur lui, comme ça on se débarrasse de lui, on se débarrasse de Mohammed. Ils ont dit, vous vous rendez compte, il est venu sans armée. Il n'y avait que Abu Bakr, personne n'a pris une arme, ils sont venus comme ça. Normalement, il y avait un pacte d'alliance. Donc, c'est normal qu'il vienne sans arme. Ils ont dit, il faut profiter de l'occasion pour le tuer. Et ils ont choisi un volontaire, une personne, et ils désignèrent Amr ibn Jihash ibn Ka'b. Il monta sur la terrasse, et pendant ce temps-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, assis à dessous le mur, comme ça, Jibril est venu et il informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Amr ibn Jahash, il s'apprêtait de jeter la meule, si vous voulez. Vous connaissez la meule, une grande pierre qui sert. Il a voulu la jeter sur eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva et quitta cet endroit sans dire un mot, ni à Abu Bakr, ni à Omar, ni à Ali. Il partit. Et puis eux, ils se sont dit, bon, peut-être il est faire ses besoins, après revenir. Et ils attendaient. Ils attendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun pensant qu'il allait revenir. Et lorsqu'un certain temps fut écoulé, sans qu'il soit réapparu, Abu Bakr, radiallahu anhu, il dit aux autres compagnons, à Omar et à Ali, qu'il ferait mieux de s'en aller. Et ils prirent congé des Juifs et se rendirent à la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'ils se rendirent à la maison, avant d'arriver à la maison, ils trouvèrent les compagnons en train de préparer les armures, en train de préparer les épées. Et ils trouvaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam déjà avec... qu'est-ce qui se passe? Combattre qui? Bani Nadir. Bani Nadir, on vient d'arriver de chez Bani Nadir. Ils ont accepté de payer la rançon. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur informa de ce qui s'est passé. Il leur a dit que Jibril m'a dit qu'ils complotaient contre moi et qu'ils veulent me tuer. Et là, quelques temps après, les Bani Nadir furent surpris par toute une armée de compagnons, de musulmans, qui vint à eux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez fait telle chose. Ah non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, c'est Jibril, subhanallah, qui me ramena l'information que vous voulez me tuer. Et là, Abdullah ibn Ubay, toujours les hypocrites, toujours ils s'allient avec les juifs et les ennemis de l'islam, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il leur dit, il a dit à Bani Nadir, il a dit, ne vous livrez pas. Il a dit, combattez-les, résistez, et ne quittez pas vos lieux. Restez dans votre forteresse et combattez. Nous, on va être avec vous, nous, on va combattre, on va vous soutenir. Et si même vous êtes mis en déroute et qu'il parvient à vous expulser, nous allons quitter Médine avec vous. Abdullah ibn Ubay, il les encouragea de tenir le coup, de résister, etc. Alors les juifs se sont encouragés, les pourparlers s'engagèrent entre eux et le prophète, et ils ont dit, nous ne quitterons pas. Le prophète leur a dit, de quitter maintenant, ça y est, vous êtes des traîtres, vous quittez Médine. Ils ont dit, nous ne quitterons pas nos demeures, ni nos possessions. Agis donc comme tu l'entends, fais ce que tu veux, nous on est là, on va résister. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il conduisit davantage ses troupes en direction de... parce qu'eux, ils sont retranchés dans des forteresses. Quand il s'approcha des forteresses, les flèches et les pierres furent lancées. Déjà prêts. Ils ont déjà préparé l'armée avec les archers, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recula et il a dit aux compagnons, allons camper un peu loin de... comme ça, leurs flèches et leurs pierres ne nous atteignent pas. Et ils campèrent loin de la forteresse, assez loin. Et alors le siège, il a duré 15 jours. 15 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est là, il les attend. Eux, ils ne peuvent pas sortir, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il attend. Vous quittez. 15 jours de hessar, du siège. Les Bani Nadir ont des palmiers. D'accord, ils sont retranchés dans ils sont retranchés dans leur forteresse, mais ils ont des palmiers, ils ont des terrains à Médine. Et c'est leur plus grande fierté d'ailleurs, et leur plus grande richesse. Ils tirent leur plus grande richesse des palmiers de Médine. Ça fait partie de leur propriété. Et le prophète sallam, pour abattre leur résistance, il menaça d'incendier les palmiers. On sait que les juifs, ils aiment beaucoup l'argent. Il menaça d'incendier les palmiers et de les arracher. Et les juifs attendaient toujours le secours d'Abdullah ibn Ubay. Abdullah ibn Ubay, il a fait des promesses et eux, ils attendent la troupe de l'hypocrite d'Abdullah ibn Ubay. Allah subhanahu wa ta'ala, il révéla à propos des juifs et des hypocrites les versets de Sourate Al-Hashr. Donc, Sourate Badr, c'est l'Anfal. Sourate Uhud, c'est Al-Imran. Et Sourate Al-Hashr, il parle des juifs de Bani Nadir. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. N'as-tu pas vu les hypocrites disant à leurs confrères qui ont mécru parmi les gens du livre juif de Bani Nadir? N'as-tu pas vu les hypocrites disant à leurs confrères qui ont mécru parmi les gens du livre: si vous êtes chassés, nous partirons certes avec vous, et nous n'obéissons jamais à personne contre vous, et si vous êtes attaqués, nous vous secourons. Certes. Et Allah atteste qu'en vérité, ils sont des menteurs. La in ukhriju, la yakhrujuna ma'ahum. ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. S'ils sont chassés, ils ne partiront pas avec eux. Et s'ils sont attaqués, ils ne les secourront pas. Et même s'ils allaient à leur secours, ils tourneraient sûrement le dos, puis ils ne seront point secourus. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Dhalika bi annahum qawmun la yafqahoun. Vraiment, vous êtes en leur cœur plus terrifiants qu'Allah. C'est qu'ils sont des gens qui ne comprennent pas. Subhanallah. Ils craignent les musulmans plus qu'ils craignent Allah. Subhanahu wa ta'ala. La yuqatilunakum jami'a. إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Tous nous vous combattrons que retranchés dans les cités fortifiées ou derrière des murailles. Leurs distances entre eux sont extrêmes. Tu les croirais unis, alors que leurs cœurs sont divisés, c'est qu'ils sont des gens qui ne raisonnent pas. Leurs dissensions entre eux sont extrêmes. Il y a le wala. Wallazina kafaru ba'dhum awliya ba'd. Il y a l'alliance, mais les cœurs, les dissensions entre eux. Tu crois qu'ils ont un même cœur, mais ils ont des cœurs différents. C'est-à-dire, ils ont des dissensions et leurs cœurs sont divisés, comme c'est évoqué dans les versets. Donc, il n'y a pas l'amour. L'amour, il ne se réalise qu'entre les musulmans. Le vrai amour, contre les musulmans. Donc, l'alliance, ça existe, mais l'amour, il n'y a pas d'amour. L'alliance, pourquoi? Pour des objectifs. Combattre les hypocrites et les juifs, on combat ensemble, comme ça, on se débarrasse de Mohammed, on se débarrasse de l'islam et on partage le butin entre nous. C'était les intérêts d'ici-bas. Il n'y a pas l'amour pour Allah. Seul l'amour pour Allah est fort. Seul l'amour pour Allah. Donc, hum awliya, lakin qulubuhum shatta. Ils sont des alliés, mais leurs cœurs sont divisés et ils. Comme on voit, de toute façon, on le voit devant nous, la société, leur société, elle est bâtie sur quoi? Les intérêts. Il n'y a plus d'intérêt entre nous, il n'y a plus d'amour. C'est un amour faux. Le seul amour qui est renforcé, c'est le hub fillah subhanahu wa ta'ala. Le vrai amour. Le grand exemple qu'on a vu dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fraternisation, si vous voulez, entre l'ansar et le muhajirin, jusqu'au point où l'ansar, il hérite le muhajir, l'auxiliaire, il hérite l'émigré, l'émigré hérite l'ansar. Tellement l'amour était fort entre eux. Tahsabuhum shatta jami'an wa qulubuhum shatta. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai dit, il donne à l'ordre de brûler et d'arracher une partie des palmiers. Les juifs, quand ils ont vu, ils sont sur leur forteresse, ils ont des sentinelles, sur les murs, ils regardaient. Et les palmiers commencent à prendre feu. Et ils commençaient à s'écrier, puis ils commençaient à lancer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, « Oh Mohammed, nous avons été habitués à te voir proscrire le mal. D'habitude, tu proscris le mal. Et tu blâmes celui qui fait le mal. » Et te voilà en train d'autoriser à brûler nos palmiers. Le prophète sallam, il a dit, il est ainsi. Mais le prophète sallam, il a reçu l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a reçu l'ordre d'Allah pour brûler. Déjà, premièrement, c'est une tactique. C'est une tactique de guerre. Pour qu'il renonce. Pour qu'il parte sans qu'il y ait de sang qui va couler. Et deuxième chose, c'est parce qu'Allah a ordonné ceci. Allah, il ordonna au prophète sallam de faire ceci. Yaqulu subhanahu wa ta'ala ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usulaha fa bi'iznillah wal yukhziya al fasiqin ma qata'tum min lina. Tout petit palmier, lina c'est un petit palmier, tout petit palmier que vous avez coupé et que vous avez laissé debout sur ses racines, c'est avec la permission d'Allah et afin qu'il couvre ainsi d'ignominie les pervers. Donc c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, un ordre. Allah il a voulu ça, il l'a écrit, il l'a su, il l'a écrit, il l'a voulu et il l'a créé. Par l'acte qu'ont fait les compagnons en arrachant ces palmiers-là. Et il l'a aimé, parce qu'il a aimé tout ce qui est religieux est conforme à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les ordres d'Allah, c'est conforme à ce qu'Allah aime. Allah nous ordonne de faire la prière, Allah aime qu'on fasse la prière, d'accord? Donc, shara' wa al-mahabba sont égaux, sont pareils. Tout ce qui est religion et amour sont pareils. Tout ce qu'Allah légifère, il est conforme à ce qu'il aime. D'accord? Donc, il a légiféré le fait qu'on brûle. Bien que c'est un mal si on le voit comme ça, mais il y a du bien derrière. Il y a une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala derrière. Ils ont patienté et l'enlèvement des paliers quand ils... Eux, ils attendaient. Ah, vous attendez, attendez. On va anéantir tous vos paliers. Et les juifs, ils finirent par accepter la décision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, d'accord, arrêtez. Ils ont eu déjà l'espoir. Ils ont dit, peut-être on va quitter Médine et bientôt on peut retourner en force et retrouver nos palmiers. Mais maintenant qu'il va les anéantir, les palmiers pour repousser de nouveau, c'est des années et des années qu'il faut. Il vaut mieux laisser... On quitte. Ils ont dit d'accord, on quitte. Mais à condition, on emmène tous nos bagages, on emmène tous nos biens. Notre argent, tous nos biens, nos bétails et tout. Le prophète sallam, il a dit d'accord. Mais les armes, vous les laissez. Les armures, les épées, vous les laissez. Vous emmenez vos biens, d'accord. Mais laissez les armes. Ils ont dit d'accord. Ils prirent tout ce qu'ils pouvaient prendre. C'est que l'amour que porte le juif pour l'argent, y compris les portes. La porte, il enlève. La charpente. Le toit, il s'écroule. Comme ça. Le bois, ils ont des bois de bonne qualité. On sait que la porte, il a une bonne qualité. Et ils mettent ça sur leur chameau. Ils détruisent leur propre maison pour... Les femmes, ils ont pris l'or en premier. La soie, ils ont pris tout ça. Les portes, les charpentes, le bois de bonne qualité. Une grande caravane, immense caravane. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله السميع العليم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم ceux qui dans les cieux et qui sont sur terre glorifient glorifie Allah. Et il est le puissant, le sage. Wa huwa al-aziz al-hakim. هو الذي أخرج الذين كفروا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لا يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. C'est lui qui a expulsé de leur maison ceux parmi les gens du livre qui ne croyaient pas lors du premier qui ne croyaient pas les mécréants parmi les gens du livre lors du premier exode. C'était le premier exode de Bani Nadir, la première fois qu'ils se font chasser de leur demeure, le premier exode de 10 juifs de Bani Nadir. C'est lui qui a expulsé de leur maison ceux parmi les gens du livre qui ne croyaient pas lors du qui ne font pas partie des croyants lors du premier exode. Vous ne pensiez pas qu'ils partiraient. Les compagnons ne penseraient pas qu'ils vont partir. Ils s'apprêtaient à les combattre. Et ils pensaient qu'en vérité leur forteresse les défendait contre Allah. Les juifs, ils pensaient que leur forteresse vont les défendre contre Allah. Mais Allah est venu à eux par où ils ne s'attendaient pas. Et Allah est venu à eux par où ils ne s'attendaient point. Et a lancé la terreur dans leur cœur. Subhanallah, l'armée d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il est venu à eux par où ils ne s'attendaient pas, les palmiers qui sont dehors, et il a jeté en même temps l'effroi dans leur cœur. Yukhribuna buyutahum bi'aidihim wa aidil mu'minin. Fa'atabiru ya ulil absar. Ils démolissaient leur maison de leurs propres mains autant que des croyants. Ils démolissaient leurs maisons de leurs propres mains autant que des mains des croyants. Tirez-en une leçon. Tirez-en une leçon, ô vous qui êtes doués de clairvoyance. Ils démolissaient leurs propres maisons. Ils enlèvent les toiles, les charpentes, les portes, etc. Subhanallah. Aïcha le rapporte, il dit le premier exode, c'est celui qui a atteint les Bani Nadir. C'est vers Sham, selon le hadith de Aïcha radiallahu anha, comme c'est rapporté par Al-Hakim dans le Mustadrak, et hadith sahih. Parce qu'une partie des Bani Nadir, quand ils furent expulsés de Médine, une partie est allée vers Sham. Sham, ça veut dire vers la Syrie, plus au nord. Et les autres à Khaybar. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لسويت ديفيرسي دو سورة الحشر ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Et si Allah n'avait pas prescrit contre l'expatriation, ils les auraient certainement châtiés ici-bas et dans l'au-delà ils auront le châtiment de feu. Si Allah n'avait pas prescrit l'expatriation, il se peut qu'il y ait un combat et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les châtie ici-bas, entre les mains, par les mains des musulmans, en les tuant et en les emprisonnant, et ils auront dans l'au-delà un châtiment terrible. Donc, par cet exode, et le sang, c'est-à-dire le sang n'a pas coulé. La sagesse derrière le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a brûlé les palmiers pour épargner que le sang coule, pour épargner qu'une bataille ait lieu. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. La suite du verset. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a expatriés, les a expulsés. Pourquoi ? ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Il en est ainsi parce qu'ils se sont dressés contre Allah et son messager, et quiconque se dresse contre Allah, alors vraiment Allah est dur en punition. Ils se sont dressés contre le prophète. Ils ont voulu le tuer, subhanallah, comploter contre lui et le trahir. Et par cet acte-là, ils ont trahi premièrement le prophète. Deuxième chose, ils ont rompu l'ahd. Ils ont rompu le pacte. Comme je dis, ils armèrent sur leurs chameaux les portes, les charpentes, formant ainsi une caravane immense, avec des femmes parées de bijoux, vêtues de soie, et une caravane, jamais les Médinois ont vu pareil. Jamais ils n'ont su que les Juifs étaient si opulents, si riches. Et en plus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont engagé des chanteuses et des danseuses. Ils chantaient avec le rythme du tambour et la musique, comme ça on est fiers. Ils veulent montrer leur fierté. Quelle fierté? Quelle fierté? Vous avez trahi le prophète Rassam, il vous a chassé de vos demeures. Mais eux, ils ont toujours une issue, ils ont toujours un moyen pour montrer qu'ils sont fiers et qu'ils sont sortis avec fierté. Et selon la révélation, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu, les terres de Bani Nadir et tout ce qu'ils délaissèrent derrière eux s'appelle quoi? On appelle comment ça? On appelle ça Fay'. Dans le jihad, on appelle ça fait. Le fait, c'est quoi? C'est le butin qu'on s'approprie sans bataille, sans qu'il y ait de combat, sans qu'il y ait de sang. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de combat. Ils ont quitté et le fait est revenu au prophète. Donc, le fait, il obéit à d'autres règles. C'est pas comme le ranima. Le ranima, c'est une autre chose. Le butin qui s'appelle Ranima, c'est une autre chose, et le butin qui s'appelle Fay, c'est autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ma wa ma afa'a, ça c'est dans sourate al-Hashr, wa ma afa'a Allahu ala rasulihi minhum, fa ma awjaftum alayhi min khaylin wa la rikab, fa ma awjaftum alayhi min khaylin wa la rikab, walakin Allah yusallit rusulahu ala man yasha', wallahu ala kulli shay'in qadir. Le butin provenant de leur bien, qui s'appelle Fay, ma afa'a, le butin Fay, vous voulez entre parenthèses, fait, provenant de leur bien, et qu'Allah a accordé son combat à son messager, vous n'y aviez engagé ni chevaux, ni chameaux. Les compagnons n'ont engagé ni chevaux, ni chameaux, mais Allah donne à ses messagers la domination sur qui il veut, et Allah est omnipotent. Allah a donné ça, a donné ce pouvoir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'anima, comme je dis, le ranima, le 1/5, il revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. Le 1/5, il revient au prophète Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ahl al-Bayt, les gens les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali radiallahu anhu, l'Abbas, Abdullah ibn Abbas, tous ceux qui sont proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les orphelins et les voyageurs en détresse, etc. Mais le 4/5, il revient aux Mujahideen, parce que les Mujahideen ont fait l'effort de combattre pour avoir ce qu'on appelle le ranima. Mais le fait, ils n'ont pas combattu, donc il obéit à d'autres règles. Tout ce fait-là revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le ranima, il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, et sachez que tout ranima que vous avez ramassé, le 5e appartient à Allah, au messager, à ses propres parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Ça c'est le ranima, le 1/5. Les 4/5 sont pour les combattants. Le fait, tout ça, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Là, le fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du fait. Il dit, ma afa Allahu ala rasulih. Voilà, maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il montre les règles du fait. Il dit, ma afa Allahu ala rasulih min ahli al-qura, falillahi, walil rasuli, walidil qurba, waliyatama, walmasakini, wabni al-sabil, لكي لا يكون دولة بين الأنبياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Le butin provenant des biens, le fait, le butin provenant des biens des habitants des cités qu'Allah a accordé sans combat à son messager appartient à Allah, aux messagers, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse, afin que cela ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Maintenant, tout le fait revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À qui il va le donner? À qui il va le donner maintenant? Il a le droit de le donner à qui il veut. Il y a une partie qui revient à lui, à Ahl al-Bayt, Allah subhanahu wa ta'ala continue la suite du verset, il dit لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ مِنَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Donc ce fait, il revient à qui? Il appartient aussi aux émigrés besogneux, parce qu'ils ont laissé beaucoup de leurs biens à la Mecque, donc il revient à eux, besogneux, aux émigrés besogneux, qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens à la Mecque, tandis qu'ils cherchaient une grâce et un agrément d'Allah, et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et à son messager. Ceux-là sont les véridiques. Subhanallah, ce n'est qu'après qu'ils ont émigré et ils ont fait le jihad qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux-là sont véridiques. Oulaika hum as-sadiqun. C'est après l'acte qu'on montre qu'on est sadiq. Comme il a dit sur Ibrahim alayhi salam, ce n'est que quand il s'est engagé à sacrifier son propre fils qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. C'est là où tu as affirmé, où tu as confirmé, où tu es véridique dans ton engagement, où tu es véridique dans l'application de ce rêve-là. On est véridique qu'avec l'acte. Donc l'acte, donc le tasdiq, ça ne revient pas au cœur, ça revient aussi aux actes. C'est les actes qui montrent que tu es sadiq, que tu es croyant. Oulaika hum as-sadiqun. Quand ils ont fait le jihad et l'immigration, c'est après ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ils sont véridiques. Ce n'est pas avant. Donc l'acte, il a une importance. L'iman, qawl wa amal. L'iman, la foi, et parole et acte. Qawl wa amal. Qawl al-qalb, parole du cœur, connaissance, aqida. Hein, conviction totale et ferme. Qawl al-lisan, en prononçant la shahada et en propageant le bien avec la parole, en recitant le Coran. Amal al-qalb, l'amour, la crainte, la vénération. Wa amal al-jawarih, la prière, le jihad, etc. Donc, hadith qa'id al-iman, inda ahl al-sunnah al-jama'a. Les al-sunnah al-jama'a, jamais. Il n'y a pas dans l'aqidat al-sunnah al-jama'a qui disent que l'iman c'est tasdiq. Ça n'existe pas dans l'aqidat al-sunnah al-jama'a. Grand titre, al-iman qawl wa amal. Parole et acte. Parole et acte. Ayyul a'mal afdal, iman billahi wa rasoulih. Oh, envoyé d'Allah, quel est l'acte le plus méritoire? Croyance en Allah et au prophète. L'acte, il est presque égal à la croyance. Il est presque égal à l'iman. Donc, iman, qawl wa amal. الإيمان بضع وسبعون شعبة بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان لفوا الإيمان الإيمان سي 60 quelques 60 plus quelque chose ou 70 branches. La plus haute branche c'est branche dire la ilaha illallah, qawl la ilaha illallah, wa adna la plus basse branche c'est imatat ada ala tariq. Donc l'iman qawl la ilaha illallah et imatat ada ala tariq, c'est enlever ce qui nuit aux gens, enlever les choses qui font obstacle à la route des gens, les épines ou, donc c'est un acte qawl la ilaha illallah. إماطة الأذى عن طريق سي عمل سي أنكت كي في بارتي دي برانش دو الإيمان والحياء إلى بيدور سي أنكت دي كور والحياء شعبة من الإيمان إلى بيدور سي إن برانش دو الإيمان دو سو حديث لا أون ديدوي كل إيمان قول وعمل باغول إي أكت داكور. أتدرون ما الإيمان؟ الإيمان وفد بن عبد القيس لا ديليغاسيون د عبد القيس كونت ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur posa la question, vous connaissez ce que ça veut dire l'iman? أتدرون ما الإيمان؟ Ils ont dit الله ورسوله أعلم. الله سبحانه وتعالى il est connaisseur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait mieux, connaît mieux. Il a dit الإيمان شهادة ولا إله إلا الله, témoigner que seul Allah est en droit d'être adoré. C'est ça la vraie définition. C'est pas il n'y a point de divinité qu'Allah. Parce que c'est pas le vrai sens. Hmm? La ilaha illallah, ça veut dire nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah. D'accord? Shahada la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, wa iqam as-salah. et de faire la prière. Il rentra les piliers de l'islam dans l'iman. Ça c'est hadith sahih. Wa iqamu as-salah, et de faire la prière. Wa ita'u az-zaka, et de s'acquitter de l'aumône. Rentre dans l'iman. Wa sawmu ramadan, et de jeûner. Wa an tu'tu al-khumsa min al-maghnam, et que vous donnez le cinquième du butin. C'est des actes ça. Et ils font partie de l'iman. D'accord? Oulaïka. Ceux-là sont véridiques. Allah subhanahu wa ta'ala suit des versets. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Il a parlé des immigrés, muhajirin. Maintenant il parle de l'ansar. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Parlons maintenant des Ansar. Il appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, dans le pays et dans l'iman, qui aiment ceux qui émigrent vers eux, ça veut dire l'Ansar, et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces immigrés ont reçu, c'est-à-dire ce butin-là, le pays, et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux, et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux, quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Alors, subhanahu wa ta'ala, il a donné aux muhajirines et il n'a pas donné aux ansars. Mais les ansars, ils ont accueilli à bras ouverts les muhajirines et ils les préfèrent à eux-mêmes, et ils se prémunissent contre toute avarice. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a complimentés dans ce verset-là. Maintenant, ceux qui viennent après l'Ansar, qui vient après l'Ansar? Qui vient après l'Ansar? C'est les tabi'in, atba' tabi'in, inshallah, nous aussi. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ça parlons de nous. Et il appartient également à ceux qui sont venus après eux en disant: Seigneur, Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne met dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Ne mets pas dans nos cœurs aucune rancœur pour eux, pour ces croyants-là. Même s'il y avait le conflit entre Muawiyah et Ali, même s'il y avait une certaine dissension, Allah, Seigneur, ne mets pas dans nos cœurs une certaine haine, ou une certaine contrainte, ou une certaine rancœur envers eux. C'est ça le vrai croyant. Radiyallahu anhum kullum. Ashab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Malgré ce qui s'est passé après. Ce verset-là, il parle de nous. Allah, il s'adresse à nous. Ils disent, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا. Ceux qui sont venus après eux, ils disent, Allah, اغْفِرْ لَنَا, c'est-à-dire, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا. Nos frères qui étaient avant nous, à savoir, les muhajirines ou l'ansar. Ils ne mettent pas dans nos cœurs une rancœur envers eux. On doit les aimer. Bien que c'est passé ce qui s'est passé entre eux. Pour beaucoup de raisons, pour beaucoup de sagesse. Radiyallahu anhum jami'an. D'accord? Donc, les Bani Nadir, ça c'est très important. J'en parle pour Aqidat al-Sunnah, le dogme de al-Sunnah ou Jama'a concernant les compagnons. Qu'est-ce qu'ils disent? والسابقون والأنصار من المهاجرين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله رضي الله عنهم. Il les a agréés. Nous aussi, on doit les agréer. On doit les aimer comme Allah les a aimés. Une partie de Bani Nadir, elle rentre, est partie vers, comme j'ai dit, Sham, comme c'est rapporté selon le hadith qui est rapporté par le Hakim dans le Mustadrak, l'autre partie, il est allé à Khaybar. Et ils furent chaleureusement accueillis par les juifs de Khaybar. Les têtes de Bani Nadir, à savoir Huyay ibn Akhtab, Kinanat ibn Rabi', Usallam ibn Abi al-Huqayq, ils furent les têtes les notables, ils furent à la tête des juifs de Khaybar. Et ces têtes-là qui ont dressé les autres tribus et qui ont comploté contre le prophète et qui ont préparé ce qu'on appelle l'Ahzab dans Ghazwat al-Khandaq, la fameuse bataille des tranchées. On va en parler inshallah bidnillah la semaine prochaine si on est vivant. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa